Valet de trèfle, João Miguel Baile dos Passarinhos. On m'a convoqué au parloir. On m'a désigné une chaise. J'attends. Judith arrive enfin. S'assoit en face de moi, les coudes sur la table, comme pour prier. Elle affiche encore ce sourire indéfinissable qui pince imperceptiblement la commissure gauche de ses lèvres quand elle se prépare à une embrouille. Norbert est debout, en retrait, toujours aussi raide. Elle me pénètre des yeux longuement, sans un mot. Puis, ses mains, aux doigts croisés, se mettent à trembler spasmodiquement. Son front vacille légèrement, et je sens au mouvement erratique de ses seins que ses cuisses se convulsent. Elle avale plusieurs fois sa salive, toujours silencieuse, en semblant chercher son oxygène. Ses yeux se plissent, de l'eau s'insinue à l'ourlet de ses paupières. L'iris vert disparaît pour ne laisser apparaître qu'un blanc de porcelaine. Je comprends alors qu'elle est en train de jouir. Elle m'avait dit un soir « Je grimpe d'autant plus fort quand je sais que quelqu'un en souffre un peu à cause de moi. » Sa respiration lui revient peu à peu. Elle m'adresse un léger sillement compassionnel. Je crois déchiffrer sur le frissonnement de ses lèvres qu'elle me remercie. Elle dépose sur la table un trèfle à trois feuilles, se lève, frappe à la porte pour sortir. J'essaye à mes poumonnets d'aspirer des bribes de sa fragrance. Son majordome la suit en évitant mon regard. On me ramène dans ma cellule, les yeux clos, le nez tourné vers la petite lucarne qui me sert de soleil. Debout, son parfum encore en lame, je commence à me branler. Le ciel est paré d'un noir intense, piqué d'étoiles. Et une brise tiède chuchote à peine dans les trembles qui bordent le lac. Les invités arrivent par petits groupes, dans des rires tonitruants et des embrassades exubérantes. Les robes sont courtes sur des cuisses déjà hâlées par ces premiers jours de l'été. Les décolletés larges et extravagants, les dos déshabillés jusqu'aux lombes. Parfois, tracés de papillons, de fées ou de fleurs, affolent par leurs courbes aguichantes les instincts prédateurs. Tout ce monde semble serein, jusqu'à la désinvolture. Il parvient du jardin, des cris joyeux et des bruits aquatiques. Quelques drilles, dans un enthousiasme infantile, s'éclaboussent dans la piscine. Des filles au sein nu pour la plupart, certaines prévoyantes vêtues de la culotte échancrée d'un maillot de bain, d'autres ne pouvant y résister. Des dentelles scandaleusement révélatrices de leur lingerie translucide. Des hommes qui les caressent de flatterie, les effraient de leur cascade et sous la surface leur signifient sans équivoque l'assurance de leurs plus fermes intentions. J'ai reçu cette invitation sur un Bristol luxueux. Elle émane d'un grand groupe de communication qui choisit ses clients et fonde sur moi l'espoir de contrats lucratifs. En réponse au carton, j'ai confirmé ma présence et ma solitude. Seul, oui. Je le suis depuis plusieurs semaines déjà. Une histoire fusionnelle qui s'est désintégrée en plein vol, par crainte de ce qu'elle représentait pour ma compagne. Une aliénation. Difficile pour moi de comprendre que trop de passion puisse devenir une prison. Un peu à l'écart, une jeune femme aux yeux émeraudes, à la chevelure ondoyante d'un roux brasillant, sensuellement moulée dans une robe rouge au décolleté d'un V profond, croise et soutient plusieurs fois mon regard d'invité perdu dans cette réception. Elle affiche un sourire indéfinissable qui pince imperceptiblement la commissure gauche de ses lèvres et dont la signification m'échappe encore. Et puis, un homme au visage hagard, aux poils hirsutes et aux vêtements chiffonnés s'avance en trébuchant dans sa direction. Il la fixe avec une insistance hébétée et assez pathétique. Elle se rapproche de moi et me souffle dans un murmure impératif. « Pour l'amour du ciel, aidez-moi à me débarrasser de ce pot de glu, je vous en prie, prenez-moi dans vos bras. » Je reste figée dans une catatonie muette, mais sans attendre, elle se blottit, plaque ses seins somptueux contre mon torse, colle sa bouche à la mienne. Son baiser est incendiaire. Je ne peux pas m'empêcher, sans doute par nécessité, de l'enlacer, moi aussi. Le temps de cette intimité humide, prodigieuse et suave me paraît infiniment trop court. Il s'achève quand elle me demande « Il est toujours là ?» J'ai envie de mentir pour la garder un peu plus contre moi. Non, les vigiles l'ont maîtrisé, ils sont déjà à la grille. Du plat des paumes, elle lisse sa robe comme si elle avait besoin de se défriper des miettes de mon étreinte. Merci. Faisons donc connaissance après cette accolade de circonstances. Moi, c'est Judith. Elle me tend une main fine que je secoue maladroitement, en me présentant à mon tour, balbutiant et sonné. Son charme péremptoire me foudroie. Nous passons le reste de la soirée à bavarder futilement, comme s'il s'agissait d'oublier la sensualité embarrassante de notre premier contact. Mais au fil des heures, champagne pétillant, nous nous livrons davantage l'un à l'autre. J'ai quand même bien apprécié votre aide tout à l'heure. Je dois avouer que j'ai beaucoup aimé être secourue de cette manière. Je confesse également que j'ai trouvé enthousiasmant de vous sauver la vie. Et tout ce monde qui nous observait, cela m'a terriblement gênée. À l'avenir, je préférerais un peu plus d'intimité dans nos débordements sensuels. Sa confidence me fait bafouiller. Je resterai de bon cœur votre chevalier servant. Je me mettrai volontiers en quatre pour vous. N'exagérons rien. Trois, par exemple, me paraît idéal. C'est mon nombre fétiche. J'accepte votre offre. Lancelot, vous serez mon valet de trèfle. Allons sceller votre allégeance à la reine de cœur dans un lieu propice au jeu. Chez moi. Appelez un taxi. Le palais de Judith est discrètement dissimulé au fond d'un parc arboré. Riche bâtisse ancienne et de plafonds très hauts. Je la suis dans un hall, un salon de musique, un boudoir, et enfin dans sa chambre immense. Elle m'intime l'ordre strict de me tenir à la porte. Un large lit à baldaquin s'abrite dans une alcôve tendue de voilage diaphane, faiblement éclairée par deux veilleuses qui diffusent une lumière intime sur les draps. Tout le reste est plongé dans une pénombre où je discerne vaguement quelques meubles. Judith s'agenouille sur la couche. Elle me fixe intensément. Avec délicatesse, elle saisit le bas de sa robe évanescente et entreprend d'en retrousser le tissu élastiquement ajusté. Sur ses cuisses d'abord, puis sur sa taille, ceinte d'un vaporeux tanga blanc, sur son ventre aux muscles délicatement tracés, puis sur ses seins, fabuleuse offrande au globe ferme rehaussé d'éperons agressifs d'un brun terracotta. Puis d'un geste ample, elle dégage l'abondante fontaine de ses cheveux. Son effeuillage me trouble d'un vertige et naturellement, je bande presque douloureusement. L'envie de la rejoindre me consume, mais le ton autoritaire de son injonction précédente ne m'en laisse pas la liberté. Elle se retourne et m'offre le rebondi magnifique de sa croupe. Du bout de ses doigts, elle saisit les lacets noués sur ses hanches. D'un coup bref, elle se libère de sa dentelle intime. Soumettant à ma déglutition fébrile le sillon provoquant des collines de ses fesses, le secret sombre et hypnotique de son petit trou et le rose sublime des dragées de sa vulve gracieusement épilée. Je sens le battement tumultueux des vénosités de ma queue s'amplifier à en devenir assourdissant de supplique. Mon gland, intumescent, me déchire le prépuce et mes couilles congestionnées bouillonnent de leur sève. Elle s'étire félinement vers les oreillers en se levant la nuque pour continuer à me clouer d'ébranlement dans la prison de son charme. Elle ouvre les draps, s'y glisse. Merci pour cette merveilleuse compagnie. Mon mari n'est pas là ce soir et ainsi je n'ai pas eu, bien sûr, l'occasion de lui parler de notre rencontre. Le mieux serait de rentrer chez vous. Norbert va vous raccompagner. Je reste pétrifiée de stupeur, autant par ses paroles impitoyables que par la révélation soudaine de la présence d'un majordome impavide à mes côtés. Il en résulte le prolapsus colossal de ma bite, à présent penaud et recroquevillé dans la doublure de mon caleçon. À la grille du parc, un taxi patiente déjà, et quand encore éberlué j'y monte, Norbert me remet un papier plié. Une plume harmonieuse y a inscrit « Vendredi prochain, 21h précise, au chevalier suivant. Réservé pour nous deux. Baiser, Judith. » J'ai une demi-heure d'avance et on me conduit à une table discrète au fond du restaurant. La carte à la main, il me demande « Monsieur attendra-t-il, madame ?» D'une voix confuse, j'acquiesce. Pendant toute la semaine, je n'ai cessé de penser à Judith, la nuit, le jour. Progressivement, je me suis sentie devenir accro à elle. Mon travail en a même pâti. Elle habite mes rêves. Elle tache mes draps. Elle est l'objet unique de mes désirs. Une énigme fantasque et obsessionnelle. Il est déjà 10h moins le quart quand le maître d'hôtel s'approche avec un seau à champagne. « Madame vous fait dire qu'elle sera légèrement en retard et vous propose de patienter avec une coupe. » Judith arrive 1 heure plus tard et en voyant le verre que je n'ai pas touché, elle s'étonne. « Ah, vous ne m'avez pas attendu ?» Elle porte un tailleur ombreline d'un rouge cardinal et les deux agrafes qu'elle a négligé de fermer m'autorisent, quand elle se penche pour m'accorder un baiser amical, à apercevoir les bourgeons orgueilleux de ses tétons dressés sur ses seins manifestement sans entrave. « Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas, pour la dernière fois? Ne vous en faites pas, tout est arrangé désormais. » La subjugation me noie à nouveau et je reste asphyxiée par son aura licencieuse pendant tout le dîner. Cette fois, Judith ne laisse pas mon érection clouée au chambranle de la porte de sa chambre. En me prenant par la main, elle bondit vers le baldaquin, me propulse dessous sans précaution. Puis elle retire frénétiquement sa veste, confirmant la liberté de ses seins sous la toile et laisse glisser sa jupe sur ses cuisses, avouant qu'en définitive, elle ne portait aucune lingerie pour notre rendez-vous. Puis, elle s'attaque sans perdre de temps au bouton de ma chemise, à la ceinture de mon pantalon et d'un geste déterminé m'expulse rudement de mon boxeur. Dans une chorégraphie lubrique, après une incendiaire lapée de mon gland turgide, elle me fait pivoter en travers du lit. Je plaque aussitôt ma bouche sur sa vulve tiède. J'y plonge ma langue avec délice, remonte lentement la fente étroite vers son berlingot saillant, que je contourne plusieurs fois, avant de m'en retourner profondément à sa source de miel et de reprendre mon périple liquoreux. Judith semble impatiente. Elle murmure après quelques tortillements que je confondais avec du plaisir. « Fourrez-moi quelque chose d'un peu plus raide dans la chatte à présent. » Elle relève les jambes très haut, les mollets sur mes épaules, et je dois me mettre à genoux pour la pénétrer. Les cuisses écartées pour me camper fermement, je me retrouve au bord de la couche, l'échine en creux, les couilles battantes et le cul ostentatoire et palpitant. J'ai du mal à contenir ma montée, tant sa vulve est douce, étroite, mouillée d'un nectar enivrant. Je suis un piètre amant, beaucoup de femmes le diraient, si j'en avais effectivement connu de nombreuses, et Judith ne semble pas proche du nirvana. Aussi, j'ai du mal à interpréter son exigence. « Ne vous retenez pas, finissez-vous maintenant. C'est comme ça que j'éprouverai de plus fortes secousses. Concentrez-vous sur votre orgasme, le mien suivra. » Ces paroles m'achèvent, et au moment où ma dernière gicle l'inonde, dans la pénombre abasourdie, je distingue au milieu de mes spasmes un homme assis sur le canapé près du lit. C'est à cet instant qu'elle me désenvulve et qu'en se retournant à quatre pattes, elle offre à l'inconnu sa chatte gavée de mon foutre. Il la pénètre aussitôt et elle ne met pas longtemps à me signifier de façon sonore que, cette fois oui, elle prend véritablement son pied. En terminant d'expirer les ultimes palpitations de son contentement, elle me console d'une voix apaisante. « Tout ça vous paraît bien étrange, j'en conviens. Et vous êtes attristé que je n'ai pas joui de vous? C'est gentil. Je suis ainsi faite que mon plaisir ne vient vraiment qu'avec certains jeux. Je grimpe d'autant plus fort quand je sais que quelqu'un en souffre un peu à cause de moi. Vous m'avez servi de tremplin orgasmique et vous l'avez fait remarquablement, soyez-en sûr. Ce sera à votre tour de me satisfaire une autre fois. Au fait, je vous présente mon époux, le roi de cœur de mon château de cartes. Charles, voici Lancelot, mon valet de trèfle. Norbert, en me raccompagnant à la grille, me souffle d'une voix pincée. Madame vous fait savoir, vendredi prochain, même restaurant, même heure. Ce triolisme scabreux se réitère chaque semaine, avec des variantes multiples préméditées par les exigences cruelles de Judith. Je m'y prête jamais de bonne grâce, mais sans montrer les affres qui me tenaillent le cœur. Je ne peux plus me passer d'elle, et nos dîners hebdomadaires en tête-à-tête compensent à peine ma détresse de devoir la partager. Judith est particulièrement active ce soir. Elle suce Charles avec énergie pendant que je la baise en levrette. Elle grimpe rapidement des secousses qu'elle m'ordonne et j'espère que j'aurai le privilège de la faire jouir. Mais en se tordant le cou, elle m'interroge avec ce sourire indéfinissable qui pince imperceptiblement la commissure gauche de ses lèvres quand elle prépare une embrouille. Je me sens au bord de l'orgasme et j'ai l'impression qu'il sera vertigineux. Avez-vous envie de me le procurer? Avouez, vous en avez très envie. Ces paroles me font vibrer, embrasent ma fièvre, déjà dévorante. Je bredouille « très envie ». Sans même attendre que Charles m'ait tiré auparavant? Oui, je regrette aussitôt mon acquiescement. Évidemment, c'est encore un de ses jeux pervers. Elle prend une mine sévère. Vous connaissez pourtant mes besoins. Me faire repasser dessus en sentant tremper une queue dans le foutre d'un autre m'excite furieusement. Mais vous ne semblez pas attentif à mes fantasmes ce soir. Vous me fâchez. Voulez-vous bien sortir de moi et patienter dans le boudoir le temps que je me termine, terriblement déçu, sur Charles? Ce sera votre punition. Ne vous éloignez pas, j'exige que vous m'entendiez. Je lui obéis, mortifiée, et l'oreille collée à la porte, j'écoute Judith se repaître de ma souffrance et des coups du chibre chointant dans la mouille que j'ai fait sourdre. Et elle ne cesse pas de gémir jusqu'à ce qu'il décharge dans son con la purée visqueuse, abominablement intarissable qu'il a accumulée pendant que j'apprêtais sa femme. J'ai envie de vous chauffer au maximum, les garçons. Je vais m'occuper de vous le plus longtemps possible jusqu'à ce que je sente vos couilles mûres à point, prêtes à exploser comme des grenades. Ce soir, je veux des torrents de votre jus. Charles, comme parfois, est en déplacement. Alors Judith s'est distribuée une donne infernale, invitant pour la première fois Hector, un valet de carreau que je déteste déjà. Mais comme promis, elle s'applique merveilleusement à faire monter notre désir d'elle. Sa langue experte s'est enveloppée mon gland, puis mordillée le prépuce du nouveau venu. Ses doigts ne cessent de parcourir nos tiges et ses joues de les frotter. En nous pétrifiant tour à tour des éclairs de son regard vert, elle rapproche nos bites à les coller, les gobe jointivement, avalant sans déglutir le double barreau de ses fantasmes. Puis elle soupèse avec appétit la lourdeur de son jeu de boules. « Je crois que vous êtes à point. Qui commence ?» L'autre ignore toutes les machinations de Judith. Elle me regarde, en plissant le coin de sa bouche, puis désigne Hector. Je ne sais plus si je suis heureux d'être choisi pour la faire jouir ou si je dois encore m'humilier en la baisant dans l'écume d'un autre. Il lui écarte les cuisses et s'y attelle avec ardeur. Il est vaillant, mais les préliminaires qu'il a subis ne lui laissent pas beaucoup de latitude, d'autant qu'elle l'exhorte à grands cris. « Tire-moi, plus fort! Ne te retiens pas, je veux t'en foutre là, maintenant, tout de suite !» Et il décharge presque instantanément. Et il remplit la chatte de Judith, et ça jaillit, débordant à chacun des ultimes coups de bite qu'il lui inflige. Une glaire intarissable, épaisse, poisseuse, d'un blanc caillé. Il s'écroule et semble s'évanouir. Judith l'ignore complètement. Elle se penche pour me parler à voix basse. C'est écœurant toute cette morve fétide, vous ne trouvez pas ? Je n'ai absolument pas envie de garder ça pendant que je jouirai de vous, vous comprenez ? Je commence à trembler. Oh oui, je comprends où elle veut en venir. Débarbouillez-moi totalement de cette souillure. Léchez-moi l'abricot. Je sais bien que tel est votre désir, plonger votre queue dans une chatte étincelante et me faire mourir de volupté. Vous allez être comblée. » Elle se retourne, m'offre sa croupe. Les lèvres roses de sa vulve sont luisantes d'une sécrétion bicémique, sa mouille que je désire éperdument, ce foutre qui me soulève le cœur. Et surtout avaler tout, que je n'en retrouve pas une goutte sur les draps. Et je le fais, et j'aime que Judith aime que je le fasse. Albert, le maître d'hôtel qui me connaît bien à présent, attend imperturbablement le choix de nos desserts. Comme si elle ignorait sa présence, Judith m'interroge sans lever le nez de la carte. « Pratiquez-vous couramment la sodomie ?» Je deviens pivoine et je n'arrive pas à articuler une seule réponse. « La sodomie, vous voyez ce que je veux dire, non ? Vous est-il arrivé d'enculer quelqu'un, une femme ou pourquoi pas un homme ? Pour moi, ce sera une panna cotta au chocolat blanc, merci. Ou peut-être même, vous êtes-vous déjà fait enculer ? Une queue, un gode ? En avez-vous éprouvé une délectation ? Réveillez-vous, je crois bien qu'Albert souhaiterait noter votre commande. » Cette nuit-là, Judith passe la moitié du temps à se faire bourrer le trou du cul par un barbare musculeux. Il pousse des hurlements de sauvage qu'elle accompagne des siens et que je n'ai jamais entendu rugir d'aucune gorge. Elle m'a confinée au canapé pour mieux profiter de mon martyre et m'oblige à me branler sous ses yeux. Et quand elle met sur pause les emmanchements de la brute, elle me confie « Quel voyage divin ! On ne s'arrête pas de planer. Je crois que j'en réclamerai bien encore et encore. Vous devriez vous y mettre à votre tour. » Elle affiche ce sourire indéfinissable qui pince imperceptiblement la commissure gauche de ses lèvres chaque fois qu'elle se prépare à une embrouille. Et quand je prends le lubrifiant pour m'en enduire la bite, elle proteste « Non, vous n'y êtes pas. Badigeonnez-vous le trou du cul. Le chevalier Augier, notre beau valet de pique, va vous gratifier de ce plaisir incomparable. Cela manquait à notre jeu triangulaire, vous ne pensez pas ?» Et pendant une demi-heure, je me fais défoncer par un chibre monumental. Je me fais enfoutrer au plus profond, sous ses yeux émoustillés. Et j'en jouis pour elle. Cela fait un an, jour pour jour, que Judith m'a prié de la secourir. Et ce soir anniversaire, invraisemblablement, nous ne sommes qu'elle et moi. Elle est plus que jamais mon âme, mon besoin vital, ma reine de cœur. Mais à la porte de sa chambre, elle me livre. « Merci pour cette merveilleuse année. Charles a un empêchement qui me prend désagréablement au dépourvu et je n'ai pas réussi à me procurer la moindre valetaille. Je suis bien obligée de conclure que vous ne me portez pas toujours chance. Normal, vous n'avez que 3 feuilles à votre trèfle. Je m'ennuie un peu. Il est temps de vous annoncer l'achèvement de notre partie de cartes. Ne vous en faites pas, je garde malgré tout un bon souvenir de ces divertissements. Et certainement penserai-je à vous pendant que j'abattrai ma prochaine paire de valets. Un taxi vous attend. » Un peu à l'écart, avec ses yeux émeraudes, sa chevelure ondoyante d'un roux brasillant, sensuellement moulée dans une robe rouge au décolleté d'un V profond, Judith a croisé et soutenu plusieurs fois le regard d'un invité perdu dans cette réception. Elle affiche ce sourire indéfinissable qui pince imperceptiblement la commissure gauche de ses lèvres quand elle se prépare à une embrouille. Et puis, je me suis avancée, en trébuchant, le visage hagard, les poils hirsutes et les vêtements en chiffonnés. Je l'ai fixée avec une insistance hébétée et pathétique. Elle s'est approchée de l'homme et lui a soufflé dans un murmure impératif « Pour l'amour du ciel, aidez-moi à me débarrasser de ce pot de glu, je vous en prie, prenez-moi dans vos bras. » Je suis restée figée dans une catatonie muette, et sans attendre, elle s'est blottie, a plaqué ses seins somptueux contre le torse de l'homme et collé sa bouche à la sienne. Son baiser a été incendiaire et il n'a pu s'empêcher, sans doute par nécessité, de l'enlacer lui aussi. Et puis les vigiles m'ont maîtrisée et expulsée derrière la grille du parc. Vendredi, 21h précise. Je suis entrée au chevalier suivant. Sous le regard plein de compassion du maître d'hôtel, j'ai vidé la moitié du chargeur d'un pistolet dans la poitrine d'un homme qui espérait, assis à une table discrète au fond du restaurant, une reine de cœur qui serait inévitablement en retard. Puis Albert, la carte à la main, m'a demandé l'air épuisé « Monsieur attendra-t-il, madame ?»